Les délégations de divers pays et régions du monde venues participer à la deuxième foire internationale automnale de Pyongyang ont déposé le 4 courant les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu pour formuler leur hommage.